Section 44 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 8. 4e partie. Ville de bourgeoisie, Villeneuve, par Arthur Giry et André Réville. Ville de bourgeoisie. Sous ce nom conventionnel, nous l'avons vu, on désigne les communautés qui n'eurent pas la fortune de démembrer à leur profit la souveraineté seigneuriale, de s'assurer la moindre parcelle d'autonomie, mais qui réussirent, néanmoins, à limiter l'exploitation arbitraire à laquelle, jusqu'alors, elle se trouvait soumise. Point de droit de paix et de guerre, point de pouvoir législatif, de juridiction indépendante, de beffroi, de sceau municipal, mais des garanties contre les exactions dont les habitants pourraient être victimes en matière d'impôts et de taxes, de services armés, de justice. En pareil cas, la charte consiste surtout en une série de limitations imposées à la toute-puissance seigneuriale. C'est une suite de dispositions négatives. Cependant, elle mentionne aussi les prérogatives, les franchises accordées aux habitants. Mais ces franchises ne sont pas d'ordre politique. Ce sont des faveurs fiscales, judiciaires, commerciales. L'un des plus célèbres de ces actes est la charte concédée par Louis VII à la petite ville de Loris. Elle se compose de 33 articles. Voici d'abord les privilèges restrictifs. Ce sont les plus considérables. Nul des hommes de Loris ne sera soumis à aucun impôt de consommation, aucun péage, tonlieu, tarif, à aucun droit de guet, à aucune taille ni exaction. Quant aux corvées, le roi n'en imposera pas, si ce n'est pour ramener son vin à Orléans, et non ailleurs. Chacun d'eux paiera un cens annuel de 6 deniers pour sa maison, non davantage, et une somme égale par arpent de terre qu'il exploitera. Cet article se retrouve dans la plupart de ses chartes. Le droit de crédit ouvert au prince et à ses officiers est réglementé et limité à 15 jours. Les habitants ne doivent le service d'hoste et de chevaucher qu'à la condition de pouvoir rentrer dans leur foyer le soir même du jour où ils seront partis. Le prévôt royal rendra la justice, mais les bourgeois n'auront pas à sortir de leur ville pour être jugés. On ne les retiendra pas en prison préventive s'ils peuvent donner caution. On ne leur imposera pas l'épreuve du duel judiciaire. Enfin, le taux des amendes sera réduit. Voici maintenant les privilèges positifs, en plus petit nombre. Quand le prévôt et les sergents entreront en charge, ils jureront d'observer les coutumes. La sécurité aux foires et au marché de Loris sera garanti. Quand un cerf aura habité la ville durant 1 an et 1 jour, sans que son maître le réclame, il sera libre. Ailleurs, ses faveurs sont différentes. Ainsi, à Bourges, la charte permet à tous les habitants de bâtir des maisons appuyées aux murailles. Elle permet aux veuves de se remarier sans autorisation royale. Il n'y avait rien dans ces contrats qui ressemblât à un pacte constitutif. Ce n'était qu'une série de garanties, de faveurs. Chacun des habitants de Loris, de Bourges, jouissait de divers privilèges. La collectivité n'avait aucun droit, n'était rien. Mais il n'en était pas toujours de même, et d'autres villes de bourgeoisie constituaient une communauté, exerçait certains droits à titre collectif. Telle la petite place de Beaumont en Argonne, qui reçut vers 1182 une loi en 55 articles de l'archevêque de Reims, Guillaume aux blanches mains. Elle était administrée par un maire et des jurés, élus chaque année par les habitants, qui rendaient compte de leur gestion financière aux officiers seigneuriaux. Ils étaient assistés d'un conseil de 40 bourgeois qui pouvaient réformer les statuts et qui, plus tard, y ajoutèrent des dispositions de droit civil en 134 articles. Même, ils possédaient une part de juridiction. Ils rendaient la basse justice au nom de l'archevêque, qui ne réservait à ses officiers que les procès importants. Une constitution de ce genre se rapprochait singulièrement du type communal. Beaumont n'était en fait qu'une commune au petit pied. Il ne lui manquait que le nom. Tant il est vrai qu'il est impossible d'établir une distinction solide, de dresser une barrière réelle entre les deux genres de villes. Ses franchises étaient restreintes. Les cités et les bourgs qui en jouissaient n'étaient pas des états souverains, loin de là. Mais en revanche, la paix y régnait. Les discordes intestines n'y faisaient pas de ravages. Les avantages de ces chartes devaient sans doute l'emporter sur leurs défauts aux yeux des gens du Moyen Âge, car on les appréciait en termes très élogieux, et elles se répandirent avec une extrême rapidité. Celle de Loris devint le patrimoine de plus de 80 localités de l'Île-de-France, de l'Orléanais, du Berry, de la Touraine, d'où elle gagna la Bourgogne et les provinces anglo-normandes. Quant à la loi de Beaumont, elle fut adoptée en plus de 300 villes et villages du Nord-Est. Les archevêques de Reims, les ducs de Lorraine, les ducs de Luxembourg et les comtes de Chigny la propagèrent à l'envi à travers leurs domaines. C'est surtout au centre du royaume qu'abondaient ces villes, à demi affranchies, séparant ainsi la zone des municipalités consulaires de celle des communes jurées. C'est que dans cette région dominait le roi de France. Assez puissant pour empêcher l'émancipation complète, il eut d'ordinaire l'habileté d'octroyer aux communautés des garanties de première nécessité. Là, les collectivités autonomes étaient très rares, les bourgeoisies très nombreuses. Orléans, Paris n'eurent jamais d'autre régime que celui-là. Villeneuve. Enfin, un dernier fait contribua encore à la diffusion de ces chartes. Ce fut la création, du XIe au XIVe siècle, de nombreuses villes neuves. Dès le XIe siècle, beaucoup d'abbayes et de seigneurs eurent l'idée, pour mieux exploiter leurs domaines, d'y créer de nouveaux centres d'habitation. Sur un emplacement soigneusement choisi, délimité par des croix, symbole de la paix de Dieu, qui devait y régner, on édifiait une église, on lotissait des terrains à distribuer, on élevait un mur d'enceinte et l'on promulguait une charte de peuplement pour attirer des habitants au moyen de franchises, de privilèges, par la création d'un marché, par des distributions de terres et la promesse de la sécurité. Dès lors, le lieu devenait un asile, protégé par les prescriptions des conciles sur la paix de Dieu, par les immunités ecclésiastiques, par des privilèges spéciaux et par la puissance militaire du Seigneur sur les domaines duquel il était établi. Il y venait des paysans, des artisans désireux de se soustraire aux charges serviles, des serfs en rupture de ban et beaucoup de ces nomades qui furent toujours nombreux au Moyen-Âge et qu'on parvenait ainsi à fixer au sol. Ordinairement, deux seigneurs, le plus souvent une église et un seigneur laïque, s'associaient par une charte de pariage pour créer des établissements de ce genre. L'un d'eux fournissait l'emplacement. L'église le faisait participer au privilège d'immunité de ses possessions et lui conférait le droit d'asile, tandis que le Seigneur y ajoutait la protection de sa puissance. Puis, les deux co-seigneurs administraient en commun, partageaient les charges et les profits. Ces nouveaux centres furent longtemps désignés en France par un nom bien significatif. On les appela des sauvetés, salvitates. Les unes furent établies dans des lieux jusqu'alors incultes et inhabités. D'autres, au contraire, furent ouvertes à côté de centres déjà existants, souvent auprès d'un monastère, d'un château ou même d'une ville ancienne. La plupart ne furent jamais que des villages ou de petites bourgades, mais d'autres devinrent des villes, Lavaur, Montauban, Bayonne, La Rochelle, pour ne citer que quelques noms, ont dû les unes leur origine, les autres leur agrandissement à des créations de ce genre. Elles se multiplièrent surtout lorsqu'au XIIe siècle, l'autorité laïque fut devenue plus puissante et disposa de moyens d'action plus étendus. Souvent, les seigneurs ou les églises appelèrent en pariage le souverain, aux représentants duquel se trouvèrent ainsi attribués des droits de co-seigneurie sur des terres de vassaux laïcs ou ecclésiastiques. On conçoit combien les rois durent favoriser ces fondations, dont la plupart constituaient pour eux de véritables acquisitions. Aussi, le mouvement se propagea-t-il rapidement dans toute la France. Au nord, on désigna ces nouveaux centres sous le nom de Villeneuve. La plupart des nombreuses localités de ce nom ont cette origine artificielle. Louis VII fonda Villeneuve, le roi, en Senonais, Villeneuve-près-Compiègne, Villeneuve-d'Étampes, etc. Le comte de Champagne créa en 1175 Villeneuve-des-Ponts-sur-Seine. Dans le Midi, ces localités nouvelles s'appelaient des Bastides, et ce nom seul suffit à indiquer que c'était des places fortifiées. L'intérêt militaire s'ajouta souvent, en effet, aux autres avantages que présentaient ces créations. Les rois d'Angleterre, dans leur possession du continent, les rois de France, dans les provinces du Midi, après le traité de Paris de 1229, construisirent de nombreuses bastides. La plupart sont reconnaissables aujourd'hui, encore à leurs noms caractéristiques, mais surtout à leurs plans réguliers, dont elles ont généralement conservé au moins des vestiges. C'était toujours un rectangle, aussi régulier que la nature du terrain le permettait, entouré de murailles, percé de portes fortifiées et dominé par des tours d'enceinte. Vers le centre, une grande place carrée, le marché, entouré de galeries, formé par des étages en surplomb, supporté par des arcades ou des poteaux, et au milieu de laquelle s'élevait la halle, dont l'étage supérieur servait d'hôtel de ville. Ailleurs, une autre place, le cimetière, entourait l'église, souvent fortifiée afin de pouvoir servir de réduit. À ces places aboutissaient de larges rues tracées au cordeau, coupées à angle droit par d'autres rues, de telle sorte que le plan de ces bastides avait l'aspect d'un damier. À ces villes, au nord comme au midi, on concédait en les fondant des chartes de coutumes, de privilèges, de franchises, très analogues à celles que nous venons d'analyser. Beaumont, dont nous avons résumé les plus importantes prérogatives, était une ville neuve, un lieu d'asile où les bannis, les étrangers, les condamnés pouvaient chercher refuge à condition de n'avoir commis ni vol ni meurtre. Limitation des impôts et des corvées, tarifs d'amende, règles de droit privé et pénal, telles étaient souvent les faveurs promises aux habitants. C'était en somme, sous une forme modeste, le régime de Loris et ainsi de ces collectivités nouvelles qui surgissaient en foule, se formaient de véritables villes de bourgeoisie. moins bruyante, moins ambitieuse, brillant d'un éclat moins vif que les cités souveraines. Ces communautés ne tinrent pas un rôle moins considérable dans l'histoire des classes urbaines au Moyen Âge. En premier lieu, elles furent très nombreuses. On les comptait par centaines. Ce fut la forme la plus fréquente de l'émancipation privée. Et d'autre part, si l'on n'y trouvait pas une classe de citoyens exerçant des pouvoirs publics avec une entière indépendance, en revanche, la plèbe n'y fut jamais opprimée par une coterie dominante. L'ensemble des habitants participait aux mêmes droits, aux franchises de la bourgeoisie. Moins de prérogatives pour quelques-uns, plus de garanties pour la masse. Enfin, si l'on songe qu'en France, tout au moins, l'autonomie des plus puissantes communes était déjà menacée, condamnée par le pouvoir envahissant du roi, et qu'elle ne pouvait tarder à être absorbée, on s'expliquera que divers historiens aient jugé la condition des villes de bourgeoisie préférable à celle des villes libres. Si elle ne flattait pas au même titre la vanité publique, elle fut moins tourmentée, moins précaire, moins altière. Elle dut à cette humilité même d'être préservée des chutes profondes. Conclusion. Rien de plus variable, en somme, de plus ondoyant que l'état des villes au milieu du XIIIe siècle. Diverses par leurs origines, les unes remontent à l'Antiquité, d'autres, nées de la misère des temps, au IXe et au Xe siècle, se sont lentement formées par agglomération continue autour des monastères et des châteaux. Bon nombre sont de créations récentes et artificielles et doivent l'existence à l'initiative intelligente de quelques barons. Diverses par leur histoire, les unes ont soutenu des luttes prolongées et rudes, parfois sauvages. Beaucoup ont acquis encore plus de privilèges qu'elles n'en ont conquis. Certaines n'ont eu ni à combattre, ni à dépenser, et se sont vues octroyer des privilèges qu'elles ne sollicitaient point. Diverses par leurs prérogatives, les unes sont devenues des républiques indépendantes, d'autres des municipalités consulaires ou des communes jurées, libres comme des seigneurs et engagées comme eux dans la hiérarchie féodale. Une partie d'entre elles, enfin, ne possède que des libertés si étroitement limitées à l'ordre civil et administratif que les historiens en ont fait une classe à part, sous le nom de ville de bourgeoisie. Ne nous étonnons pas de ces innombrables différences. C'est la loi de la vie et du progrès. Les sociétés comme les espèces se diversifient en se développant. Le développement, tel est en effet le trait commun de l'histoire des populations urbaines au Moyen Âge. Elles se sont développées à l'infini. Constatons la transformation profonde qu'elles ont subie. Au bourg étroit, se resserrant chaque jour pour avoir moins de surface à défendre, se dépeuplant sous l'action des guerres, du pillage, des famines, que le commerce n'atténuait plus, se sont substituées des villes plus nombreuses, plus larges, qui débordent hors de leurs murailles en de puissants faubourgs, où les habitants abondent grâce à l'essor de l'industrie et du négoce. Aux peuples misérables, asservis, ont succédé de nouvelles générations qui sont parvenues à l'aisance, parfois à la richesse et par l'aisance à la liberté. Liberté personnelle et civile, toujours et partout. Souvent aussi liberté collective et politique, bien qu'à doses infiniment variées et très inégalement réparties. La ville, du 7e au 10e siècle, semblait muette. Il y régnait une atmosphère de tombeau. Au 13e siècle, les villes bourdonnent comme des ruches. Les rues sont encore étroites, irrégulières, malsaines, mais elles sont animées, encombrées de ballots, d'éventaires, de gens psalmodiant leurs marchandises, d'énormes enseignes qui se balancent au gré des vents et menacent parfois la sécurité des passants. C'est une civilisation nouvelle qui s'épanouit. De splendides monuments ont surgi du sol, dressés par la fortune publique et le génie de constructeurs modestes, demeurés inconnus. Églises romanes et gothiques, dressant vers le ciel leurs dômes, leurs campaniles ou leurs flèches. Beffrois glorieux qui dominent et menacent les environs, en attendant le jour prochain, où d'inimitables hôtels de ville les feront oublier, offrant en spectacle leur éblouissante parure de pierre. La cloche municipale est la voix publique des cités, comme la cloche d'église est la voix des âmes. La ville, au XIIIe siècle, existe, parle et agit. C'est un organe nouveau dans la société, un ordre ignoré jusqu'alors et qu'attendent de hautes et lointaines destinées. Il grandit lentement. Cet ordre, ce fut le tiers état. Fin de la section 44, enregistrée par Margot.